Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, surtout mesdames et demoiselles, j'ai l'honneur, le grand plaisir et l'avantage de vous présenter aujourd'hui un chanteur de rock'n'roll. Mesdames, messieurs, il ne s'agit pas d'un chanteur de rock'n'roll ordinaire. Il ne s'agit pas d'un chanteur de rock'n'roll ordinaire comme on peut l'en voir à la télévision. Non, monsieur, il s'agit d'un chanteur de rock'n'roll extraordinaire. Il est extraordinaire, il est unique. Mesdames, messieurs, il nous avait déjà fait un Harakiri puis Charlie Hebdo. Maintenant, il va nous faire un disque. Voici, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Charon. De ce large prunelle. Sa mère contemple ses gris-gris. Et le père à l'enfant dit: Toto, mange ton pila-pila. Nya, papa, moi j'ai pas rempli un pila. Pour la dernière fois, Toto, tu vas manger ton pila-pila. Nya, papa, je vais manger pila-pila. Et m'appelle pas Toto, appelle maman mon gars. Écoute, Toto, si tu ne manges pas ton pila-pila, je laisse tomber le totem sur tes pieds plats. Nya, papa, je vais manger mon pila-pila. Alors la mère, abandonnant ses regrets, se tourne vers le père et lui dit: arrête de le taquiner, tu vois bien que tu le fais pleurer. Alors partant d'un grand éclat de rire, ah ah ah, le père répondit: ah ah ah, c'est pas parce que le gosse a rien dans les couilles qu'on peut pas se prendre la gamelle avec un truc rigolo comme l'histoire de Toto. Allez, viens mon bouillard. De l'humour, ta mère, elle en a pas. Allez, viens, Mamounia, on va aller se taper en Ruta chez la mère Paga. Ruta Baga, ah, ah, ah. Ruta Baga. Travesti, tous les soirs après les... chanté l'enfance, on a chanté l'adolescence, on a chanté les adultes, l'amour, la vieillesse et la mort, et on n'a encore jamais chanté le bon temps que nous avons tous passé dans les testicules de nos papas. En souvenir du bon temps que nous avons tous passé entre les jambes de nos papas, voici la testiculance. Petite métropoïde, entre les gens de papa, soufflons-nous, étions bien là. C'était la sécurité, avions chaud et à manger, par peur de la solitude, étions une multitude, dans l'espace de Delois, entre les gens de papa. Petite rivière, faut même qu'ils construisent un pont, les gros. con d'adulte, famille de cons, travailleurs cons, juste pour regarder la télévision de merde, dans leur pantoufle de merde, des gros cons d'adulte, sur cette planète de merde. Ah la testiculon, ah la testiculon, vive la testiculon. Chocolat.